sind die allerbesten Mannschaften. Die Meister, die Besten, die Meier-Seki-Champions, die Meister, die Besten, Le meilleurs équipes champions. Bonsoir, très chers auditeurs. Vous êtes bien en direct de Radio Galère. Bienvenue dans le deuxième numéro de Débattons dans Guirou, qui, comme sa grande sœur Débattons dans les roues, est consacré au débat et à la recherche de vérité, mais cette fois-ci centré sur le football. Ici Brett Sinclair. Ici Manuel Amor. Ce soir, nous sommes réunis à l'occasion du match retour de la Coupe d'Europe des clubs champions qui oppose en ce moment le FC Bayern Munich, actuel deuxième du championnat d'Allemagne, à l'Olympique de Marseille, deuxième du dernier championnat de France et tenant du titre de la Coupe de la Ligue. Pour nous accompagner ce soir, donc, nous retrouvons notre dispositif de classe, le docteur Lehmann. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir docteur. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ravis. Ainsi que Manuel et Brett. Yeah. Vous êtes un ancien chorégraphe reconverti dans la géopolitique du football. Oui, oui, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je pense qu'il est important de vivre avec son temps, finalement, et la chorégraphie, le mercredi ou le mardi, ça suffit, quoi. Robert McLayam Wilson, notre prestigieux invité, écrivain, qui est actuellement en résidence à la Marelle. Il n'a pas pu venir, mais nous savons déjà qu'il sera présent pour la présentation de la demi-finale. Samuel Rochery, bonsoir Samuel. Bonsoir. Observateur sportif et poète, et futur ceinture noire de karaté, qui alimentera bientôt notre rubrique « Le petit précis du sport ». Et en direct de l'Allianz Arena, nos deux consultants de choc, le shérif Bradley Morel, spécialiste, et Abdelkarim Magic Douima, dit l'homme au crochet magique. Shérif Morel, Magique, est-ce que vous nous entendez ? Allô, vous êtes là ? On est là, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends, je suis en direct de l'Allianz Arena avec mon ami et nous assistons à cette rencontre retour du quart de finale de Ligue des Champions. Et devinez quoi ? Eh bien, pour l'instant, le score est exactement le même que celui à l'aller, c'est-à-dire 2-0 en faveur du Bayern de Munich. Autant vous dire que les carottes sont presque cuites, même s'il reste toujours de l'espoir dans les pieds de cette équipe marseillaise. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cette première période ? Écoutez, personnellement, je suis comme les winners, je suis en grève de commentaires. Il est hors de question de vous résumer quoi que ce soit. En revanche, je tiens à vous dire que j'ai mangé un bon vieux poisson pané, plutôt bien cuit, dans une petite brasserie des faubourgs de Munich, et accompagné d'une petite sauce aux coquilles Saint-Jacques. Et ça, je tiens à le dire, il y a de la coquille Saint-Jacques à Munich, Magic. Alors là, sur le terrain, parce que, excusez-moi, j'y crois encore un petit peu, eh bien, nous assistons à ce que nous voyons depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire des tentatives très incisives de Ribéry sur son côté gauche, à l'instant même qu'il tentait de déborder sur son côté gauche, et une équipe encore présente, encore là, et qui essaye malgré tout de faire son match, l'équipe marseillaise. Le score à la 71e minute, toujours 2-0 en faveur du Bayern de Munich. Bon. Oui, bon, Shérif et Magic, c'est peut-être mal embarqué, mais vous pouvez éventuellement nous faire un bref résumé, bref, de la première mi-temps, ou en tout cas, est-ce qu'il y a encore des enjeux, est-ce qu'il y a encore des possibilités, est-ce qu'on peut y croire? Eh bien, en termes d'y croire, je crois que la grève bat son plein et franchement, nous, ici, à l'Allianz Arena, on y croit, les banderoles sont dépliées, on a les brassards, on distribue des tracts à tour de bras, je pense que ça va bien se passer et que la demi-finale de la grève des Champions League devrait bien se dérouler, que ce soit à Madrid ou à Nicosie, on ne sait jamais. En tout cas, nous, on est prêts, on est là et ça se passera bien, je tiens à vous le dire tout de suite. Bien, merci les gars. Brett, je propose, hein, et pour toute l'équipe, proposer, Manuel. Qu'on se remette un petit peu de baume au cœur, en attendant le dernier quart d'heure dans lequel je pense on va pousser l'OM jusqu'au bout. Alors que là, peut-être on peut retourner au stade là. Valbuena sur son côté gauche qui centre et a le ballon qui passe tout droit. Une magnifique incursion de Mathieu Valbuena qui tentait de centrer pour certainement Brandao mais trop loin et le ballon qui finit en touche alors que actuellement un changement se précise. C'est le André Pierre Gignac qui va faire son entrée à la place et je ne vois pas encore tout à fait le voilà à la place de Brandao qui a manqué une occasion tout à l'heure terrible, immanquable. Et bien voilà, Didier Deschamps a compris que les carottes étaient cuites et vient de relancer André Pierre Gignac. Alors les gars, on disait qu'éventuellement pour se remettre un petit peu de baume au cœur, on allait se remémorer un petit peu du huitième de finale précédent et notamment le dénouement fantastique. Alors à la régie, est-ce qu'on peut envoyer le... Alors c'est parti. Il faut dire que l'arbitre nous a pas très bien aidé en cette deuxième mi-temps. Ça, j'ai entendu. Alors, on entend ça et là... que l'Olympique de Marseille, cher docteur, resterait sur 4 défaites consécutives. Oh de Brandao, Brandao, but formidable de Brandao à la dernière. Je retire. Qui condamne cette équipe d'Iris et surtout qui qualifie. C'est formidable, Brandao, Brandao, nous t'aimons. Magic. Avant toute chose, on va retirer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent de négatif sur Brandao. Un contrôle du dos. C'est magnifique. Ce but est magnifique. Un petit contrôle de la poitrine ou on s'en fout du genou et une frappe formidable, plein axe qui trompe le gardien brésilien de l'Inter de Milan et qui ravit Didier Deschamps et ses troupes et son peuple et marseillais. Bon les gars, super. Bon, voilà. Alors, ça nous remet un petit peu de baume au cœur, cher Brett. Et bon, avant de retourner au stade, peut-être on peut éventuellement nous ici en studio, bon, voir un peu quels peuvent être les enjeux du dernier quart d'heure. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, Brett, docteur ? Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette fin de match ? Docteur, moi je pense qu'un 4-2, c'est la seule chose qu'on peut attendre, mais... Oui, je pense que même un 5-3 est éventuellement envisageable. Hein. Gignac, qui joue peu, qui aime mouiller le maillot, on sait que c'est un joueur qui aime mouiller le maillot. À mon avis, il est capable de suppléer très avantageusement notre ami Brandao, qui a fait un relativement bon match. Et on a vu des retournements, notamment en Ligue des Champions. Hein. On se souvient tous de cette finale Manchester-Bayern de Munich, où effectivement deux buts ont été marqués, ne serait-ce que dans les arrêts de jeu. Il nous reste un quart d'heure plus les arrêts de jeu. Donc je pense qu'il y a. C'est-à-dire si on a du temps devant nous. Je pense qu'il faut pas s'affoler. Il faut pas s'affoler. Il faut contrôler le ballon, partir de l'arrière tranquillement et construire paisiblement une victoire 4-2, 5-3. Merci docteur. Belle analyse. On y croit. Bien sûr, on y croit. Expliqué comme ça, en tout cas, on y croit ardemment. Je pense que le football est une science et il y a des champs, son meilleur théoricien actuellement. Donc, non, il ne devrait pas trop y avoir de problème, je pense. Monsieur Rochery, vous y croyez ? Pas du tout. Non. Ah. Par contre, je m'appuie sur aucune théorie scientifique ni rien. Non. J'ai bien l'impression. Je crois que c'est plié, là. Il manque un petit peu d'argument, tout ça. Mais bah, oui. Vous êtes abattu, quoi. Là, c'est niveau émotionnel, je suis à plat, là. Je peux pas supporter. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on sent qu'on a un petit peu de mal à trouver le rebond nécessaire pour... Mais peut-être on n'est pas encore dans le dernier quart d'heure, alors c'est peut-être aussi ça le... Non, on y est ? Je crois qu'on y est. Ouais, on vient d'y rentrer, effectivement. On sent tout de même les Marseillais plus incisifs. Hein. Oui. quasiment dangereux, non ? La rentrée d'Amalfitano fait du bien, oui. Je pense. Regardez, Valbuena est en train de revenir dans le match. Oui. Oui. Oui, une belle passe de Valbuena. Hein. Peut-être l'occasion de revenir au stade, éventuellement. Shérif, Magic. Oui, alors écoutez, si vous voulez faire le match à notre place, c'est votre droit, mais qu'on nous le dise avant. Écoutez, moi, ce que je constate sur le terrain, eh bien, c'est que cette équipe de l'Olympique de Marseille ne lâche pas, elle y croit, elle y a toujours cru dans les moments importants de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe en général. Eh bien, elle est impliquée, elle est solidaire, elle est incroyable, cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais il manque quelque chose à cette équipe. Il manque de la sérénité, de la tranquillité et surtout du jeu et de l'efficacité. Quand on la compare à son adversaire du soir, le Bayern, eh bien on voit toute l'énorme classe de différence entre les deux équipes. Et le Bayern se contente tranquillement de gérer son match 2-0 et elle continue d'attaquer comme là à l'instant. Nous sommes à la 78e minute et une tentative sur le côté gauche dégagée par César Azpilicueta, mais toujours ce score de 2-0 qui condamne pour l'instant l'Olympique de Marseille. Alors le dernier quart d'heure a commencé, mais de là à en mettre 4, chers amis, je sais pas, on verra. Bon, merci Magic. Bon, on va laisser le match se dérouler. On va, chers auditeurs, écouter maintenant le billet d'humeur de Tonton Chris et du Vicomte. Tout à fait. Nos deux spécialistes du football international, membres d'honneur à la FIFA, nous donnent autour d'une table leur vision sans concession de cette campagne européenne marseillaise, mais pas que. Je crois que ça va être intéressant d'entendre ça si on est prêt en régie. Parce que ils ont des choses à dire, les gars, vous allez voir. Très très grand match du Bayern, super équipe de l'OM, Morel au taquet. Tout va bien et bon, on ne parle pas d'Andrade parce qu'il a joué un match tout en 14 mois et il n'y a rien à dire. Quelle merde. Quelle grosse merde ce match. Oui, il y a des points positifs. On sait qu'il faut changer l'équipe. Vous pouvez garder Nkoulou, le stade. Ben, le match retour, si tout va bien, le quart du Bayern a un accident à 500 mètres du stade. Le Bayern déclare forfait, on a gagné. Sinon, on en prend 12. Finaliste de la Coupe de la Ligue, perdre 3-0, finir 12e, 42 points. Ah bah Bastia, bah, l'année prochaine, on finira devant l'OM, hein, c'est sûr. Voilà, mais sans espoir pour l'OM cette année, non, ça fait peur. Si on arrive à garder ces grands joueurs, 320 000 euros par mois pour jouer en CFA toute l'année pour Gignac, super. Brandao, malheureusement, son contrat s'achève là, mais on peut le faire re-signer et ça ferait une belle attaque pour l'année prochaine. Ah oui, vachement, ça peut renforcer la CFA l'année prochaine. Il n'y a pas de problème, là, la CFA. À bientôt. Oui, je pense que c'est tout à fait scandaleux, hein, ce qu'on vient d'entendre là. C'est absolument n'importe quoi. Le Bayern a eu énormément de chance, je pense qu'on peut dire, sur ce premier match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus l'arbitre, bon, on n'en parle même pas, ça c'est clair. Bon, toutes les actions de l'OM n'ont pas été couronnées de succès, effectivement, mais celui qui a pu réussir à rester éveillé après la 14e minute aura vu que il y avait de la volonté, de l'esprit d'équipe. Ça va payer, quoi. Un coaching parfait. Donc, il n'y a qu'à attendre le match retour. On va en mettre au moins 3 ou 4. Oui, bah, largement, oui. Ça, c'est évident. Ouais. De toute façon, il a démontré largement ses qualités. Morel également, hein, à fond, quoi. Ouais. Comme tous les Morel, hein, de toute façon. Je vous en prie. Thank you. Bon, je crois que le débat s'élève avec tonton Chris et avec le vicomte. C'est un avis sans concession, hein, sur le match aller, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais qui, alors ça plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr, mais ça avait le mérite d'être entendu, je crois. Docteur. Oui, on a certes des avis tranchés, pas forcément. On n'a pas l'impression d'avoir vraiment de supporters de l'OM qui sont exprimés. Enfin, tel est mon avis. Hein. Après, libre à vous de ne pas partager mes opinions. Moi, je voudrais plus d'envie, plus de. Voilà, ce premier monsieur qui a parlé, que je ne connais pas. L'envie d'avoir envie, oui. Je pense que on a des artistes en France qui nous permettent de rêver en France et à l'étranger aussi. Quand je pense à Brandao qui nous a fait rêver, voilà, le Brésil, sa musique, la France, sa musique, tout. L'OM synthétise tout ça, donc non, je ne veux pas m'allier avec ces tristes personnages qui traînent le football dans la boue, tout simplement. Et son meilleur représentant français, l'Olympique de Marseille. Merci, docteur. On repasse par le stade, peut-être. Shérif, Magic, quelque chose à dire ou pas? Écoutez, ici, le piquet de grève bat son plein et je tiens à vous dire que ça y est, on en tient un et on n'est pas prêt de le lâcher. On jusqu'au bout, on ira. Les revendications sont claires et nettes, quoi. Il est hors de question de lâcher et celui-là, on ne lâchera pas, ce petit PD. Heinzwein, Heinzweidreich même, hein. Il fait moins le malin, j'aime autant vous le dire. Il y a du Dutchmark dans la galette et ben celui-là, on ne lâchera pas, ouais. Et quant à commenter le match, il en est hors de question. On est en grève. Et oui, messieurs, oui, même s'il y a des jaunes parmi nous, oui, des jaunes ce soir, des jaunes. Et on peut le dire, on doit le dire, il faut le dire. Eh bien, non, jamais on ne lâchera jusqu'au bout, nom de Dieu, ha ha ha, vaincra, bordel. Ah, moi non, moi, alors bon, sans blague. Magic, ouais. On peut espérer encore, là, c'est le moment de pousser, non? Il reste 5 minutes, Magic. Écoutez, je ne sais pas avec qui vous m'avez foutu ce soir encore, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, on ne fait pas grève. L'Olympique de Marseille n'est pas une équipe qui est là pour faire de la représentation. Elle y croit encore à son but. Elle veut sauver l'honneur. Elle attaque. Elle est toujours présente. Et nous sommes toujours donc à 2-0 dans ce match-là, à la 85e minute. Écoutez, mettre 4 buts là, Autant partir tout de suite à Tahiti, mes amis, mais le cœur y est toujours. Salopard, on les aura, je vous le dis, moi, on les aura, jamais on lâchera et Heinzweidreich, il va falloir raquer pour le récupérer, lui, le petit. Oh, laissez-moi tranquille maintenant. Excellent. Je vois que bon, c'est bien, c'est super, c'est super. Ouais. On retourne en studio un petit peu pour reprendre un peu nos esprits parce que on était sonné un peu. Enfin, si je me permets, oui, permettez-vous. J'aimerais dire au shérif que le port de l'étoile jaune ne permet pas tout, même dans ces contrées lointaines. Ouais, je vois qu'on lance la. On lance un débat. Lance la provocation. On va rebondir juste après le coup de sifflet final parce que je crois que là on va rester à l'antenne jusqu'au coup de sifflet final. Ouais, il nous reste 4 grosses minutes, je pense. Allez, que 4 minutes pour rêver. L'arbitre laissera pas trop d'arrêt de jeu, je pense. Hein. Je crois que là. Alors si jamais Magic, oui. Je reprenais l'antenne. Écoutez, oui, il reste 3 minutes 30 dans le temps réglementaire. Nous aurons probablement 3 minutes supplémentaires dans le temps additionnel. L'Olympique de Marseille est toujours à la manœuvre et le Bayern de Munich qui contrôle son match, qui défend tranquillement et qui essaie. Ah, alors que là, un tir qui est contré par la défense du Bayern et qui repart, voilà, en contre, comme je vous le disais, qui va très très vite avec Gomez qui a fait son apparition tout à l'heure sur le match et voilà, le comme depuis le début, eh bien le Bayern tente de gérer alors que là une incursion sur la droite, attention, un centre qui est contré et qui va finalement finir dans le corner pour le Bayern de Munich. plus que 2 minutes 30 à jouer dans cette minute réglementaire et le public allemand qui est ravi, qui s'attendait à cette victoire, à cette double victoire et qui attend encore un dernier but et cette fois-ci de Mario Gomez pour essayer de rassurer ce grand attaquant. 4, attention, le corner est tiré. Il est dégagé, il attend le tir contré et l'Olympique de Marseille qui se relance. Timo Tchouk y avait cru sur son tir, mais il a été contré à la dernière minute. Les Allemands qui repartent en touche par l'arrière, tranquillement, ils savent gérer leur match. Alors que là... Je tiens à dire que c'est un scandale et qu'il est hors de question de finir de commenter ce match. Nous sommes en grève, nous ne lâcherons pas. Non, Winners de merde. Alors, très bien, les gars, on va revenir avec vous pour suivre la fin du match. Moi, j'avais envie de m'interroger sur le mérite. Tout simplement, de parler de mérite. Est-ce que, parce qu'on se dessine quand même, même si on y croit encore, vers une qualification du Bayern Munich, est-ce que c'est une qualification méritée ? Oui, globalement, je crois qu'une première mi-temps qui, une première manche, le match aller qui commence quand même par une erreur, par une faute de main non sifflée. C'était un hold-up. C'était un hold-up, on est d'accord. Mais bon, on commence sur une faute. On perd 2-0. Et comme d'habitude, sur ce hold-up, le shérif était bien loin. Oui. M'excuserai. Alors oui, bon, on peut dire, en toute objectivité, que la qualification du Bayern n'est pas totalement méritée. Voilà. Que l'Olympique de Marseille ferait un demi-finaliste d'une envergure un petit peu plus copieuse. Un peu plus belle à voir hein, que ce Bayern de Munich un peu pâle. Un peu moche. Et un peu moche. C'est vrai qu'ils sont pas... Alors on peut parler du look, on pourra un jour parler du look des joueurs espagnols. Il faudra parler. Il faudra. Mais je crois qu'on ne pourra pas le faire sans aborder le faciès patibulaire des joueurs de foot du Bayern de Munich. Et quelques coupes de cheveux de classe. Voilà. Oui, docteur, c'est un sujet sur lequel il faudra savoir rebondir en temps voulu. Je pense qu'actuellement, vous êtes pointilleux sur les coupes de cheveux, il me semble. Oui. Moi-même, je suis un petit peu desservi par la nature, mais je pense que pour l'instant, reste 2 minutes, tout est possible. Tout est possible. On a vu des retournements. Je sais pas si vous connaissez bien l'histoire du football. Regardez. Il faut encore pousser. On n'est pas les winners, nous, et on soutient notre équipe. Même si on est triste. Shérif, Magic, faites-nous rêver. Dites-nous que le score a évolué et que la tendance s'est inversée. Alors la tendance s'est inversée ici. Magic est sous mon emprise et je tiens à vous dire que si vous voulez le récupérer, il va falloir cracher, les gars, parce que ici. On est en grève et il est hors de question de... Non, on lâchera rien, je tiens à vous le dire. Hors de question de commenter ce match insipide dans lequel l'Olympique de Marseille a dominé. Il est clair, a vraiment dominé de la tête et des épaules. Mais on ne dira rien, rien sur le match, rien sur Gignac, rien sur... Oui, je voulais juste, mais c'est tranquillement, hein, nous sommes le 3 avril, effectivement, j'ai toujours pas été payé. Donc voilà. Je fais grève. Excusez-moi, je fais grève. Ben merci les gars. Bravo. Bon bah du coup on va finir le match en studio, nous tranquillement, voilà. on va remettre un petit peu les choses à plat. Oui, aussi, parce que à propos de mon défraiement notamment. Voilà. On va régler les différends. Peut-être on va profiter de la dernière minute. Oui, parce que pour régler tout ça. Les émoluments de nos camarades qu'on pourra traiter de Munichois ce soir sont quand même assez importants. Donc cette grève est un petit peu mal à propos, je trouve. Mais bon, on en parlera avec nos... Ah mais on va en reparler, ça c'est sûr. Et... Le match vient de se terminer, chers amis, le match vient de se terminer. Et donc le Bayern de Munich qui... est qualifié pour les demi-finales avec cette deuxième victoire sur l'Olympique de Marseille 2-0 et le public de l'Allianz Arena qui scande toute son équipe et qui la supporte et qui la félicite. Écoutez, il n'y a rien à dire sur cette double confrontation, 2-0. Le Bayern de Munich est une grande équipe, l'Olympique de Marseille n'en est pas une plus petite, mais en cette année, c'est une année compliquée cette saison, et l'Olympique de Marseille, il faudra le rappeler, aura fait une grande campagne magique. Est-ce que vous pouvez avoir une réaction à chaud d'un joueur, d'un entraîneur, d'un soigneur éventuellement? Écoutez, je vais essayer de commencer par les joueurs français du Bayern, parce que les hommes de Didier Deschamps sont un peu fatigués. Ils ont tout donné, les gars. Tout à fait. Vous pensez pouvoir avoir, par exemple, Franck Ribéry? Par exemple, oui, je vais essayer, ne quittez pas. Magic, Sheriff peut peut-être faire la traduction, je crois qu'il parle allemand couramment. Bonsoir Franck, félicitations, écoutez, on vous reconnaît pas lorsque vous êtes sur un terrain allemand. Qu'est-ce qui vous dope ici? Ouais, très très très très content, bien joué, bonne soirée, dribblé deux trois un garçon et content, l'ambiance, puis vraiment bien, bon, content. Ah oui, vous avez l'air fatigué, mon cher Ribéry. Est-ce que comment vous abordez cette demi-finale là qui est officielle maintenant contre le Real de Madrid? Ou la Poel Nicosie. Ou la Poel Nicosie, oui. Mon cher Franck, comment vous la sentez cette demi-finale? On est content avec l'équipe là à Munich, on bien reçu, bien belle vie, la Poel, Madrid, de grandes équipes, pas très peur, et je profite pour saluer ma femme, mon autre femme, mais tous mes enfants et Raymond Domenech. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Merci, Franck. Bon. Je crois que Sam, que vous êtes à côté de Loïc Rémy là. Ah non, ça y est, il est parti. Ah, il est parti. Juste petite rectification quand même pour ma propre fierté. Franck Ribéry parle français, hein, il parle pas allemand. Mais même si, bon, voilà. Bah, éventuellement, pour un petit peu se remettre de nos émotions, on peut écouter un morceau de musique cher à nos cœurs. Brett, vous avez un mot à nous dire sur ce morceau? Bah, je vais pas le dire tout de suite, parce que je vais d'abord le dédicacer à Magic, parce que c'est un morceau pour Magic. On pourra peut-être en parler après, on va essayer de garder l'effet de surprise, même si ça va pas tenir très très longtemps. Musique. Ouais. We've got a feeling. We've got a feeling. Chers auditeurs, nous voilà de retour dans les studios 205 GTI, je crois, de la friche de la Belle de Mai. Donc vous avez bien sûr reconnu Basile Boli et Chris Waddle sur une musique certainement de Didier Barbelivien et Herbert Léonard et Julien Lepers, certainement. Chanson chère à Magic. C'était une dédicace de Magic, l'homme le plus funk de tout Marseille, sans doute. J'adore cette chanson. Alors, Magic, éventuellement, avant qu'on revienne avec vous sur l'autre quart de finale retour de la soirée, c'est le moment de la chronique tant attendue du docteur Lehmann. Et oui, parce que nos admirateurs, qui sont nombreux, ont souligné la pertinence de vos arguments du mois dernier. Le courrier était très nombreux. Et Brett, on accueille donc pour la deuxième fois le docteur Lehmann et sa chronique. Oui, donc je vais pas y aller avec le dos de la cuillère cette fois-ci. Vous voulez pas qu'on vous présente, docteur? Voilà, on va parce vous présenter, docteur. On a un protocole ici à respecter. Je vous en prie, bien sûr, vous êtes maître à bord. Donc, docteur Lehmann, vous avez une activité de chorégraphe, donc, comme nous disions au début d'émission. Mais vous êtes spécialiste des questions géopolitiques concernant le football. On se répète peut-être un petit peu. Mais pour ceux qui prennent l'émission en cours, c'est important. Et donc, nous vous avons demandé à nouveau de vous pencher pour ce match sur le cas de Marseille et du Bayern de Munich. Donc, on vous écoute et peut-être qu'on en débat après. Bayern de Munich, Olympique de Marseille. D'emblée, notons que dans les deux cas, et comme souvent, c'est la seconde ville du pays qui jouit de la plus grande cote d'amour ou de popularité selon, on ne manquera d'ailleurs pas d'éclairer par la suite l'amateur trop footballocentré sur la relativité de telles notions. Au-delà des commentaires et autres sondages qui font du Bayern un grand club, et pour mettre franchement les crampons dans la choucroute, si l'on ne laissera jamais Liverpool marcher seul sur le reste de l'Angleterre, si l'on n'hésitera pas deux secondes à faire corps avec le Barça à Bernabeu ou à communier à genoux derrière le Napoli, affirmons une bonne fois pour toutes que jamais nous ne nous associerons au cœur munichois, fût-ce contre les tailleurs de jambon du Hertha Berlin. Animosité toute chauvine, me direz-vous, ou pire, réminiscence belliciste d'un soldat rendu sourd par les ondes. Rien n'est moins sûr, chers auditeurs. En effet, celui qui vous parle en ce moment garde peut-être à l'esprit ses poteaux, pas assez ronds, un soir de douche écossaise 76. Il conserve certainement sous son maillot les meurtrissures de Schumacher, cordonnier plutôt bien chaussé ce soir-là. Quant au gendarme Nivelle, c'est certes en sa compagnie qu'il découvrit la Croatie à la faveur d'un crépuscule de juin 98. Pourtant, jamais, ô non, ô grand jamais, votre hôte ne se laissera aller à des rapprochements nauséabonds, à des relances empreintes des blessures du passé, comme d'attribuer à la langue du moustachu voleur des sonorités rappelant l'occupant, ou d'assimiler les chants allemands à des marches allées sans retour. Ou bien qu'on se souvienne de ceux qui adulèrent Wagner, debout sur les Champs-Élysées, projetant d'envahir la Canebière. Non, non, non, ni Fritz ni Frison, ni Germain ni Teuton, l'embarras, loin d'être allemand, n'est là que bavarois. Oui, bavarois, auditeur bien pensant que je sens déjà éructé, sur le qui-vive, à l'affût d'un faux plat. La Bavière, c'est tout simplement l'antidote au petit nationalisme, un remède au sécessionnisme, le pare-feu à l'autonomisme, en un mot, le bavarois rendrait presque jacobin. Preuve à l'appui, ce bref aperçu des grands hommes qui ont fait ce coin d'Europe et semble aller rapetissant à mesure que tourne le chronomètre de l'histoire. Commençons par l'excentrique Louis II de Bavière, qui, s'il avait comme les starlets d'aujourd'hui un goût prononcé pour la luxure, avait au moins le mérite de faire des passes, quitte à finir sur le banc. Il faut ensuite attendre près d'un siècle pour que la Bavière accouche d'un nouveau personnage emblématique, l'inspecteur Derrick, ersatz sherlockien estampillé RFA, terne policier écumant bas-fonds et brasseries munichois pour le plus grand bonheur du fournisseur local de grosses cylindrées, BMW. Là s'arrête d'ailleurs la comparaison avec nos héros modernes, ceux du ballon rond, puisque le célèbre Horst Tappert fait surtout figure de héros de la probité, de la non-violence et de la psychologie. Dernier représentant en date du fief bavarois, le président d'honneur du Bayern, Franz Beckenbauer, dont le surnom Kaiser Franz est à lui seul un condensé de 50 ans d'histoire du club, que je vous épargnerai ici pour ne point trop vous convaincre de la justesse de mes vues. Bref, le Bayern de la Munich, de la même manière que la région qu'il incarne, nous rappelle étrangement, au modèle allemand, Empire, un fédéralisme arrogant qui n'a d'œcuménique que les Arjen Robben et autres Franck Ribéry. Car nous, on aime les petits, et bien qu'en chaque petit sommeille un Ribéry, On préfère un Marseille anémié, même empli de dépit, aux pépites d'un ogre trop plein d'appétit. Et quand l'année prochaine, l'OM évoluera dans un anonymat que ne connaîtra jamais le Bayern, on sera toujours fier de rappeler que 0 plus 0, ce n'est pas que la tête à l'Intertoto, mais aussi celle de Brandao. Yeah. Merci bravo. Docteur, bravo. Bravo, bravo. Je vous en prie. Est-ce que vous avez, dans votre chronique, eu à un moment donné l'intention d'évoquer cette superbe finale de 93, puisque c'est là-bas que mon Basilou a été pour, voilà, à tout jamais le premier. Bien sûr, on se souvient tous de l'Olympia Stadion. Bon, hélas, ce club donc, que je viens de décrire, hein, le Bayern de Munich, ne joue plus à l'Olympia Stadion. On est sur les mêmes terres, hein, les terres munichoises, des terres empreintes d'histoire. Non, l'Allianz Arena, ce stade terne, cette bouée, c'est une bouée en fait, une bouée qui peut changer de couleur d'ailleurs, ne me rappelait guère à cette épopée magnifique marseillaise de 93 qui résonne encore dans mon cœur, et je suis bien triste qu'elle ne se puisse pas se reproduire cette année. Donc non, je n'avais pas le cœur à ça. Mais moi, excusez-moi, bref, vous aviez le cœur à ça, pas du tout. Mais j'avais par contre envie, éventuellement en plein d'une mauvaise foi qui est toute mienne, de dire que dans le mot bavarois, on pouvait aussi penser que c'était des gens qui habitaient dans le bas d'un département non loin de Marseille, et que finalement, tous les peuples pouvaient se rejoindre. Oui, alors là, je suis bien d'accord avec vous sur cette affaire de bavarois à laquelle je n'avais pas réfléchi encore, effectivement. On se souvient tous que cette Nationale 8, l'autoroute 8, la ligne de chemin de fer sépare ce Haut-Var du Bavard, ce terrible Bavard, on ne dira pas qu'il a trop fait parler de lui, hein, le terrible Bavard, mais on en serait presque là. Donc, remarque très, très, très, très à point nommé, mon cher Manuel. Belle remarque, Manuel, en effet. Est-ce qu'on profite de ce petit temps pour revenir avec nos commentateurs qui n'en font plus grand-chose là? Non. Est-ce qu'on pourrait éventuellement... Normal que vous n'ayez pas trop payé, les gars. En ces périodes électorales, messieurs, il s'agirait quand même de justifier un petit peu son salaire. Le président compte sur vous. Pour ne point attiser les basses revendications. Oui, on a des revendications, mais en même temps... Est-ce que éventuellement Milan, Barcelone, est-ce qu'on peut avoir quelques... Écoutez, j'entends d'ici, nous entendons, je me permets, puisque je tiens attaché Monsieur Magic, cette fois, ça y est, je me suis libéré de mes gonds, l'énergie de l'Allianz Arena n'ont plus raison de moi, et Magic est bel et bien lié pieds et poings, je tiens à vous le dire, et j'entends ici vos sarcasmes patronaux, j'ai envie de le dire, mais nous sommes en grève ici, nous ne vous dirons jamais que Barcelone a battu Milan 3-1, ça, ne comptez pas sur nous pour vous faire un résumé de cette autre quart de finale, ça, non, les buts de Messi. Vous pour nous donner le nom des buteurs non plus. Ne comptez pas sur nous pour vous dire que Messi a marqué des pénaltys, ça, non, Abdelkarim, vous avez le couteau sous la gorge, vous pouvez lire le texte qu'il y a devant vous, s'il vous plaît. Et je tiens à vous dire que on vaincra et on est sur la bonne piste et la grève va durer, nom de Dieu. Non, on ne vous dira pas ce soir que le Barça s'est régalé dans son antre et qu'il a dominé le Milan 3-1. Non, merci, voilà, à vous les studios. Merci Magic, merci Shérif. Merci les gars. Écoutez, Brett, peut-être Manuel, c'est le moment Manuel. Voilà, j'en appelle à l'union sacrée. Parce que c'est vrai qu'ici, on a un petit peu du mal à rebondir. Bon, cette soirée déçu, est un petit peu plus morose que prévu. On avait prévu un autre scénario, mais c'est le moment, moi, je trouve, hein, vous allez peut-être me contredire. Je le sens venir et j'aime bien ça. D'inaugurer une nouvelle rubrique pour nous, qui est celle du lien entre le cinéma et le football. Qu'est-ce que vous en pensez, Brett? Ben, je pense que c'est une suite logique à ce que nous avions fait la première fois. On avait parlé, il me semble, de théâtre et de football, de philosophie et de football aussi. De philo. À quand la danse et le football? Bientôt la danse et le football avec vous, Dr Lehmann, évidemment, éminent chorégraphe reconverti. Et donc, cinéma et football, c'est ça? Tout à fait. Je vous laisse démarrer. Je vais commencer donc par une citation. Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon durant 90 minutes, et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Gary Lineker. Gary Lineker, exactement. Et ce soir, bon, ça se vérifie. Ça se vérifie ce soir, mais pas toujours. La preuve, avec un résumé sonore extrait du film « À nous la victoire » qui inaugure donc, ce soir, notre rubrique « Cinéma et football ». Bon, « À nous la victoire » est donc un film de John Huston qui est sorti en 1981 avec Sylvester Stallone, Michael Caine et Pelé, entre autres joueurs de foot célèbres. Et donc on va avant de vous passer l'extrait faire un petit rappel. J'espère qu'en régie on est prêt pour passer. On va faire un petit rappel de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de l'été 1943, dans le camp de Gensdorf, les prisonniers tuent le temps en jouant au football. Le commandant du camp, un ancien joueur international allemand, souhaite opposer l'équipe des prisonniers entraînés par le capitaine John Colby à une sélection de soldats allemands. Donc le match doit avoir lieu à Colombes, en France, et bientôt un étonnant projet d'évasion se dessine autour du capitaine Robert Hatch, alias Sylvester Stallone, un Américain qu'il faudra initier au ballon rond et qui deviendra le gardien de l'équipe. Le match en question, puisque c'est de ça dont il s'agit, les Allemands mènent très vite 4-0. Le match est viril, pas toujours correct, et Pelé, alias, il me semble, le caporal Luis Fernandez, exactement, je crois, dans le film. Exactement. Et le deuxième joueur à sortir sur blessure, réduisant ainsi les alliés à 10. Mais les alliés reviennent peu à peu au score, jusqu'à égaliser par le même Pelé qui est de retour sur le terrain pour les ultimes minutes. L'arbitre siffle alors un pénalty un petit peu rude quand même pour les Allemands à la dernière minute, et tout repose donc sur Hatch, alias Sylvester Stallone. Les alliés, et le match commence. On trouverait difficilement 22 joueurs plus motivés que ceux qui évoluent aujourd'hui. Les alliés ont pris le match en douceur. Ils tâtent un peu leurs adversaires, lesquels sont eux aussi prudents. Et c'est Boll du Danemark qui tente de très loin un tir au but. Presque ça, presque dans le cadre. Le ballon est remis en jeu par Schmidt, le légendaire gardien allemand. Reinhard à Becker. Passe à Baumann, le numéro 4. Il sert Brandt. Retour sur Albrecht, le numéro 11. Albrecht, bien débarqué, qui remonte par l'aile, très souple, et fait ce qu'il veut avec l'anglais qui doit le marquer. Il le prend de vitesse, et tire. Malheureusement, il ben voilà, vous l'avez, votre ouais. Corner. Mais non, à droite, sur la droite, non. Voilà, sur la droite. Fais gaffe à ce mec-là, fais gaffe. Marquez-le, ne le quittez pas. Placez-vous, mais non, mais pas là. Et attention, il tire, intercept. Et but dans le cadre. Et 1 pour l'Allemagne. Allemagne 1, les Alliés 0. Et on aurait pu l'éviter. Écoutez ces applaudissements. La foule est en délire. Mais du calme, vous êtes tendu comme un tambour. Bah, foutez-moi la paix jusqu'à la mi-temps. Ne sortez pas trop de votre cage. Allemagne, 2, Alliés, 0. Merde. L'arbitre va certainement siffler un pénalty. En effet, un Allemand est à terre sur une faute du numéro 6 anglais. L'arbitre essaie de les calmer et maintient sa décision. C'est bien un pénalty contre les Alliés. Hatch, le gardien, doit rester sur sa ligne de but. Attention, vous restez là, les deux pieds sur la ligne. Vous voulez que je bloque ça? Il n'a pas le droit de se déplacer oui, avant mieux. Le shoot de l'adversaire. Oui, c'est bien ça. C'est le grand Baumann qui va tirer pour l'Allemagne. Tromper la vigilance de Hatch. 3-0 pour l'Allemagne. Stop! Et stop! Oh. 4-0. C'est ça, les Allemands, allez, hein. Mais restez dans votre cage, mon Dieu! Ça peut rater! J'ai dit dans la cage, vous savez pas en sortir, c'est compris? Quand l'attaquant se présente, fermez l'angle! Ici! Ici! Telle est la marque à une minute de la mi-temps. Ce match n'est pas sans rappeler la finale de Coupe du Monde de 38 qui avait eu lieu ici même à Cologne. Les Alliés sont passés à la vitesse supérieure et montent à l'attaque dans une tentative désespérée. Oui, oui, d'entrée de jeu, les Alliés viennent de marquer un but. Allemagne 4, Alliés 2. Allez, allez, allez, allez! Il reste 15 minutes de jeu et cette deuxième mi-temps est extraordinaire. Il faudra attendre longtemps pour revoir un match de cette qualité. Les Alliés galvanisés sont partout sur le terrain. Les Allemands sont en super forme. Cette fois, le but est refusé. Refusé, refusé. Pourquoi ? Mais pourquoi ils nous le refusent ? Il était correct, il n'y a pas eu de faute. Vous n'avez pas le droit, c'est dégoûtant. Pour la première fois, les Alliés perdent leur calme. Vous n'avez pas le droit. Vraiment, ce match nous fait vivre des rebondissements dramatiques. Refuser le but d'égalisation, c'est dur pour les Alliés, qui restent menés à la marque par 4 à 3. Et Kambi, je reprends le match. Mais vous n'êtes pas en état de jouer. Si, si, ça va, je me sens mieux. Il faut que je joue. Arbitre, il reprend sa place. Ce superbe match tire à sa fin. Il ne reste que 4 minutes. En place, oui. 4 minutes cruciales, cela va sans dire. Les Allemands ont un jeu solide et puissant. Cette splendide action, remise en jeu par les Allemands, qui désormais ont tout intérêt à calmer le jeu. Schmidt dégage par une balle longue. Les Allemands jouent très concentrés. Ah, l'arbitre vient de siffler une faute. Le numéro 4 allemand est tombé à terre sur une faute de Ré. L'heure tourne. Penalty en faveur des Allemands. Hatch, bloque-le. Bloque-le. Chers auditeurs, nous voici donc de retour au studio. Brett, vous aviez des choses à nous redire sur cet extrait, éventuellement. Oui, juste pour ceux qui n'ont pas suivi ou pas bien suivi, on peut évidemment comprendre que Hatch à la fin arrête le penalty. Le fameux penalty du 5-4 pour qui aurait donné 5-4 pour les ignobles Allemands. Qu'est-ce que je voulais dire du coup, je ne sais plus. La petite musique doucereuse qu'on entend, c'est un retourné magnifique de Pelé qui, rentrant à peine sur le terrain, marque et donc égalise pour les Alliés. Et qu'est-ce que Hatch, après l'arrêt de son penalty, fait une petite danse absolument magnifique, proche de ce qu'il faisait dans Rocky Balboa. Alors, ce qu'on peut éventuellement souligner, cher Brett, c'est que je ne sais pas si ce film fait référence à un épisode réel de l'histoire du XXe siècle, mais qu'en tout cas, elle nous rappelle un épisode que notre ami Solal avait raconté dans un spectacle auquel on a fait référence dans notre émission précédente. La fois précédente, en effet. Alors, oui, on pourrait imaginer que ça fait référence à cette anecdote historique qui concerne, si je me souviens bien, Dynamo Kiev. Tout à fait, Brett. Qui était donc la grande équipe européenne de l'époque, qui gagnait absolument tout, je crois. Et qui, donc, pendant l'occupation de l'Ukraine... S'est retrouvé au chômage technique, totalement au chômage et... à la suite d'une rencontre inopportune avec un capot allemand, se retrouve à devoir jouer un match pour le prestige, du côté allemand en tout cas. Bien sûr, mais un petit peu comme dans l'histoire de ce film, c'est-à-dire que une équipe d'Allemagne devra affronter la meilleure équipe de tous les temps, qui à l'époque était le Dynamo de Kiev, je crois, cher docteur. Oui, l'équipe de Lyubanov. Tout à fait. Et du coup, ce match a lieu et un petit peu sur ce même scénario, on conseille fortement aux joueurs du Dynamo de ne pas vraiment l'emporter. Et puis finalement, il va en être un petit peu autrement parce que la fierté des joueurs occupés et oppressés va prendre le dessus. Tout à fait. Alors ce qui se passe vraiment, c'est qu'ils jouent un premier match qu'ils gagnent, je pense, assez aisément. Et donc le fameux capot à la fin du match leur rappelle que ce match n'était pas du tout fait pour être gagné par le Dynamo de Kiev. Donc il leur propose un nouveau match en leur ordonnant de ne pas le gagner. Tout à fait. Et ils finiront par gagner le deuxième, mais se faire... Est-ce qu'on raconte la chute ou est-ce qu'on le garde pour... Mais éventuellement, on pourrait repasser cet extrait de ce spectacle superbe dont on avait parlé donc il y a un mois. On rappelle le titre du spectacle, c'était Italie-Brésil 3-0 de la compagnie... 3-2. Tandem. Pardon, 3-2. Excusez-moi. Non mais vous suivez, c'est tout à votre honneur. De la compagnie Tandem, donc. Très bien. Alors, chers auditeurs, l'émission n'est pas encore terminée. On va retourner un petit peu à l'Allianz Arena pour voir... comment est l'ambiance un peu encore cette fin de... Est-ce que quelqu'un est capable de parler de la buvette un petit peu? Parce oui. qu'on a beaucoup parlé la fois précédente, mais quand même. Tout à fait. Vos conditions de réception à Munich, comment c'est? Oui, je vous entends, mon cher Manu Amor, mon cher Brett, je vous entends. Écoutez, je suis à nouveau libre. Mon acolyte s'est cassé, je sais pas quoi. Il a rencontré une bavaroise ou deux. Écoutez, j'ai rien compris. Il m'a expliqué des trucs avec son syndicat et tout ça, et je me suis senti obligé de faire comme lui, mais ce n'était pas moi. Excusez-moi. Écoutez, c'est une triste soirée pour l'Olympique de Marseille. Je rappelle que à tous nos auditeurs, s'ils nous entendent, que l'Olympique de Marseille est éliminé en quart de finale par le Bayern de Munich. Et que la soirée est donc triste. Le Bayern de Munich qui a gagné 2-0, deux buts, de Olic. Voilà. Dans l'autre match, vous me posiez la question tout à l'heure. Tout à fait magique. Effectivement, le FC Barcelone a gagné 3-1 avec un doublé de qui? De Messi, bien sûr. Un doublé de Messi, un troisième but de Iniesta contre un but pour le AC Milan de Nocerino. Le Barça s'est tranquillement baladé sur son terrain du Camp Nou pour éliminer cette équipe milanaise. Personne n'en doutait. D'ailleurs, moi-même, j'avais mis un billet sur le match. Je suis content, même si effectivement je suis toujours pas payé, mais voilà, le match a été à sens unique et le Barça a encore dominé son adversaire 3-1, ce qui fait que le Barça risque de retrouver, comme tout le monde s'y attend, le Real de Madrid en finale, à condition que le Real batte le Bayern de Munich et d'abord, comme le rappelait le cher docteur Lehmann, la poêle Nicosie. Merci Magic. Merci beaucoup. On vous quitte donc sur ça. L'émission va bientôt se terminer. Passez une belle soirée à Munich. Profitez bien. Je suppose que vous avez de quoi vous occuper sur place. Aïe, je croyais qu'il était parti. Qu'est-ce que tu fais? Ah, vous ne nous aurez pas, Magic. Social Trade, toi non plus, tu ne seras pas payé. Je tiens à vous dire qu'on fait la grève et qu'il est hors de question qu'on passe une bonne soirée ici et que vous-même. Ça suffit là-haut. Oui, excusez-nous les studios, tout va bien. Merci beaucoup chers auditeurs, merci à vous les studios, à la semaine prochaine ou au mois prochain. Alors a priori le 24 du mois prochain, on vous retrouve dans un nouveau stade Magic, Sheriff aussi je crois dans oui. des... Il faudrait dans des conditions différentes. Oui, il faudrait peut-être penser à changer de double. Enfin, les gens qui se comportent mal, les gens qui ont un emploi, contrairement à la majorité des Français, il faut bien le dire actuellement, devraient tout de même se permettre de l'honorer, d'aller au bout des choses, et non pas de prendre en otage une radio simple, une radio du peuple marseillais. Merci docteur pour cette remarque. Alors, Brett, on va conclure. Et on va conclure de belle manière, je crois. D'abord, on voulait s'adresser à vous, cher Samuel, qui nous avait accompagné ce soir. J'ai écouté, j'étais spectateur, j'étais dans les tribunes. Et qu'est-ce que vous avez pensé un peu de cette soirée? Alors, il y a une bonne ambiance, mais je trouve que ça parlait un peu trop de l'Allemagne, là, hein, jusqu'à l'extrait cinématographique. Moi, j'aurais bien aimé entendre, par exemple, un extrait du film avec Devers, là. Coup de tête. Alors, ouais, la coup de tête. Oui. Alors, ça viendra. Ça alimentera certainement notre rubrique football. Vous faites très bien d'en parler. C'est quelque chose qui m'a traversé comme ça l'esprit. Après, j'ai pensé à une prochaine chronique éventuellement que je ferai sur le football et la musique sur Manchester, par exemple, et le groupe Wedding Present et The Fall. Mais je crois, mon cher Brett, que Samuel Rochery alimentera certainement prochainement une de nos chroniques. C'est tout à fait ça, et c'est très bien que vous en parliez maintenant, puisque de toute façon vous serez là, je pense, donc pour la prochaine émission, et vous parlerez ou pas, vous avez le choix. Alors, je serai peut-être un peu moins spectateur. Là. J'espère que j'essaierai d'apporter. Un peu plus travailler. Il faudra simplement bosser. Il faut rentrer quoi. sur la pelouse. Voilà. Oui. Mouiller le maillot. Sentir le cuir, sentir la pelouse. Vos revendications, nom de Dieu, monsieur Samuel. Non, mais je crois, en fait, j'ai été contaminé par monsieur Magic. En fait, je me suis dit que moi aussi, j'étais pas payé. Alors. C'est Magic n'y est pas pour rien. Pour revenir au sport, docteur, je crois que vous aviez envie de nous donner vos pronostics pour un petit peu qui est-ce que vous voyez en demi-finale compte tenu des matchs de demain. Moi, je verrais bien le Bayern de Munich en demi-finale, ainsi que pourquoi pas le FC Barcelone qui, à mon avis, va réussir à se sortir du catenaccio milanais. Ah bon, alors, comme c'est un peu déjà comme fait... Comme c'est le cas, cher docteur, nous aurons... Non, mais il y a du direct à suivre aussi. Hein. Vous n'êtes pas payé, sinon, peut-être. On sait que demain, il y a deux matchs importants. Il y a le Chelsea-FC Dynamo qui rencontre le Benfica Lisboa. Le match aller avait accouché d'un 1-0 pour Chelsea. Ce match retour à Londres s'annonce quand même un petit peu compliqué pour les Lisboètes. Oui, je ne sais pas si Vata joue, mais je mettrais bien un billet comme mon ami Karim Magic sur Vata. Oui, Vata, donc Benfica. Benfica, oui, on sent que Chelsea a la tête dans les chaussures, Benfica. Un petit pourcentage? 70-30 pour le Benfica, oui. Très oui. Bien, une cote de 2-5. Alors pour finir, on a des choses sous le coude pour nos prochaines émissions, on va vous en parler. Brett, Alors on peut rappeler, oui, on a des débats qui restent à traiter, qu'on évoque mais qu'on ne traite pas, mais qui seront traités certainement à l'avenir. Donc nous avons la génération roulette, la fameuse génération roulette. Voilà, ça en voulait en parler, vraiment. Donc, évoqué tout à l'heure, nous avons évidemment le look des joueurs espagnols et qui peuvent être complétés maintenant par le look des joueurs allemands. On aura certainement aussi un débat sur la fiscalité et le football, qui est quelque chose, je crois, qui mérite d'être abordé. C'est quelque chose qui tient à cœur tout le monde, je crois, ici. Donc, il serait bien quand même de l'aborder à bras-le-corps, oui. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la possibilité éventuellement, mais ce serait plus un jeu radiophonique, de faire raconter un but de foot ou une action par tout le monde et de voir un petit peu la manière dont les gens se souviennent et racontent les buts. Mais un petit peu à la manière de nos amis des papous dans la tête, peut-être. Exactement. Une épreuve à contrainte. Je crois que le shérif retrouvera un peu ses esprits à ce moment-là. Oui, je serais d'ailleurs heureux que nos auditeurs puissent avoir un petit peu plus la parole, puissent éventuellement téléphoner. Je crois que le shérif a dû faire de la rétention Je pense qu'il a coupé le téléphone. Oui, habituellement, on est habitué à entendre beaucoup plus de sonneries. Les gens se pressent, se presse pour pouvoir intervenir. Et, oui, on et peut ils pas ont mettre, bien raison. On ne peut pas mettre ça sur la défaite de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment le shérif qui a dit... qui n'a pas fait son boulot hein, ce soir, pas totalement. Et je crois, Brett, ceci dit, que la prochaine fois, l'invité prestigieux que nous attendions ce soir sera des nôtres. Normalement, Robert McLean Wilson devrait être des nôtres pour éventuellement évoquer le football irlandais. Et je crois, pourquoi pas, la main d'un certain Thierry Henry à un moment donné. Voilà, on pourra certainement... Qui a fait du mal au football irlandais. Ouais, tout à fait. Et puis un dernier débat, je crois qu'il nous tient à cœur particulièrement à tous les deux. Nous le connaissons très très bien et nous l'apprécions chaque jour que Dieu fait. Le petit pain des sportifs, voilà, c'est ça. Le quoi ? Le petit pain des sportifs. De la boulangerie de Notre-Dame du Mont. Ouais. Voilà. Qui est un petit pain à base de céréales et de fruits secs. C'est un Gatorade solide. Exactement. C'est un Gatorade solide et de bonne facture. Donc le petit pain des sportifs de la boulangerie Notre-Dame du Mont, qui s'appelle le Fournil d'ailleurs. Ouais, le Fournil. Et on aimerait avoir, je crois, l'avis d'auditeurs nombreux qui nous ont déjà écrit à ce sujet pour nous parler un petit peu de ça. À propos de pensées un petit peu divergentes, moi je tiens à regretter l'absence de l'émission mère des bâtons dans les roues et nos amis Romain de Cuvillier. Et Jean-Patrick Pourave, nous aimerions bien tout de même qu'il se manifeste un petit peu, et qu'il lui mette un petit peu peut-on de... Peut-on encore l'appeler l'émission mère La question commence à se poser. Hein. Oui. Et je crois qu'ils brillent beaucoup en ce moment par leur silence, en tout cas. Oui, leur silence, leur absence et leur manque de professionnalisme, tout simplement. Manuel. Alors moi, bon, pour conclure, parce que c'est l'heure, je crois qu'on nous fait signe dans les studios que nous débordons un petit peu, désolé, parce que c'est la météo après, et à chaque fois la météo, ils ont 30 secondes pour parler. Oui, alors, demain il pleut. On voulait signaler donc que l'émission des bâtons d'Anguirou se retrouvera sur internet très bientôt avec notre blog, où on retrouvera nos meilleures chroniques... on retrouvera un petit peu aussi les avis un peu du docteur, les avis de Magic, du shérif, de tout le monde. Humour et esthétique. Voilà, tout à fait. On retrouvera les meilleurs moments de nos émissions, bien sûr, parce que ça, les auditeurs nous demandent souvent où est-ce qu'on peut écouter. Ouais, surtout qu'il y a de nombreux meilleurs moments et que. Voilà. Tout à fait. Et donc ce blog, dans la prochaine émission, il sera créé. Il y aura aussi une boutique avec tous les produits dérivés. Des t-shirts du docteur Lemain. Les badges de Magic. Et éventuellement, je crois, Magic, que vous avez, si vous êtes encore là, fait une vidéo pour un petit peu apprendre aux jeunes footballeurs comment on crochette, comment on dévie les ballons, comment on roulette, comment on tourne en rond. Je viens de prendre ma carte à l'inspection du travail, ma carte de formateur du crochet magique qui est capable d'éliminer un adversaire, deux adversaires, trois adversaires, et quatre adversaires. Et de revenir sur ses adversaires surtout. Voilà. Tout à fait. Nous mettrons cette vidéo nous trouverons cette. Ça sera une cassette VHS par contre, il me semble. Oui. Voilà. Et on la trouvera en vente, bien évidemment, sur notre blog. Juste préciser que le secret ne se voit pas sur la vidéo. Il faut passer par la formation. C'est comme la magie, Magic. C'est comme la magie, tout à fait, que je révélerai sur le blog quelques mois plus tard. Ce sera peut-être sous forme de palette graphique, d'ailleurs, je crois. Alors, c'est ça qui va être excitant. Il est temps de se dire au revoir, chers amis. Docteur, merci une fois de plus de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous de m'inviter. Hein. Je crois que voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Tout le monde ne se vaut pas autour du plateau encore, mais bon, je crois qu'on a des mauvaises personnes qui tournent autour de vous. Il faudra un jour savoir hausser le ton. On rappellera donc à nos amis de Des Bâtons dans les Roues qu'on les attend de pied ferme maintenant. Voilà. Samuel, merci aussi. Merci Samuel. Merci Samuel. Merci docteur. Belle chronique cette semaine. Hein, efficace. Merci nos commentateurs prestigieux. Ils sont déjà partis peut-être. Hein, la nuit bavaroise les appelle. Quoi. Ouais, on a soif. Brett, merci à vous. Une fois de plus, vous avez été sublime. Vous avez été excellent, Manuel. Excellent. Et puis on va se quitter, je crois, avec un... avec un petit morceau. Un morceau de musique qui nous permettra de tranquillement avancer dans cette nuit douce et... et pluvieuse peut-être quand nous sortirons. Un petit peu. Allez. Les meilleures équipes de Champions Master. Les meilleures équipes de Champions. Champion des